Chapitre 4. Le voleur. Heureusement, Nat Pinkerton, on le sait, était résistant. Malgré le coup terrible qu'il venait de recevoir, il ne tarda pas à reprendre connaissance. Dès qu'il eut rouvert les yeux, la mémoire lui revint et il se rendit compte de ce qui s'était passé. « Sapristi, » dit-il à mi-voix, « c'est du joli. Je me suis laissé surprendre comme une simple mazette. » La tête lui faisait grand mal. Il porta la main à sa tempe gauche et il sentit quelque chose de chaud et de gluant. C'était du sang. Il se mit debout et tourna le bouton électrique. Dans ce mouvement, ses yeux se portèrent sur ses mains et il éclata de rire. Il y avait de quoi. Les bagues ornées de diamants qu'il avait mises pour attirer l'attention du voleur avaient disparu jusqu'à la dernière. « Diable !» se dit-il. « Je ne pensais pas si bien réussir. Et mon porte-monnaie, mon portefeuille, disparut aussi, allons, c'est complet. » Eh bien, je me suis fourré là dans un joli guépier. Mais pas de ça, pas de ça. Je veux mes bagues, j'y tiens, si elles n'ont pas l'air de tenir à moi. Ce n'est pas que j'ai l'habitude de les porter, mais enfin j'ai la faiblesse de vouloir les garder pour moi tout seul. J'ai une idée. Je ameutais tout le paquebot en criant comme si on m'écorchait. J'appelais au secours, puis je courais de tous côtés en racontant ce qui vient de m'arriver. Ce brave Mr. Harry Cliffwood de Baltimore va faire un tel vacarme et un tel scandale que de la nuit personne ne pourra plus fermer l'œil à bord du Celtic. Puisque mon voleur est si habile pour profiter des bonnes occasions, j'espère bien qu'il ne laissera pas échapper celle que va lui offrir le remue-ménage général qu'il va y avoir tout à l'heure. Je ne suis décidément que le dernier des maladroits, si je ne le pince pas à ce moment. Allons-y. Et le maître se mit à pousser de véritables hurlements qu'on entendit d'un bout du navire à l'autre. En même temps, il s'élança dans le couloir qui passait devant sa cabine en criant de toute la force de ses poumons « au secours à l'assassin, au voleur! Je suis perdu, on m'a tout pris! Ah, maudit navire, c'est donc un repère de brigands! Au secours, attrapez-le, attrapez-le! Mon argent, mes bijoux, au voleur, à l'assassin! Il n'y a donc personne, au secours !» Inutile de dire que ces clameurs épouvantables réveillèrent tout le monde, et que bientôt tout fut sens dessus-dessous à bord du paquebot. Des cris, des appels retentissaient de toutes parts. Des passagers à moitié vêtus se précipitaient hors de leur cabine, demandant ce qu'il y avait et réclamant le commandant. Les femmes, apeurées, se serraient les unes contre les autres dans les couloirs. Les hommes avaient pris leurs armes, qui un poignard, qui un revolver, et attendaient de pied ferme l'ennemi quel qu'il fût. Les agents de la police secrète qui se trouvaient à bord aperçurent enfin Pinkerton au moment où il sortait d'un couloir pour tourner dans un autre. Ils le saisirent au passage. « Qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Il est arrivé qu'on m'a volé !» leur cria le maître. « Il y avait quelqu'un de caché dans ma cabine, qui s'est jeté sur moi et m'a à moitié assommé. On m'a tout pris, mes bagues, ma bourse, mon portefeuille, jusqu'à ma montre. » Deux détectives se détachèrent aussitôt du groupe pour voir s'ils ne trouveraient pas dans la cabine du soi-disant Cliffwood quelques traces de l'agresseur. L'un d'eux revint presque immédiatement sur ses pas. « Quel est votre numéro de cabine ? » demanda-t-il. « 78-59 », répondit le détective. Les deux policiers partirent tout courant, sans même songer qu'il n'y avait pas à bord de cabine portant un numéro aussi élevé. Le maître se disposait également à reprendre sa course, mais le commandant qui était arrivé sur ses entrefaites l'arrêta par le bras. « Voyons, qu'est-ce que cela veut dire, Mister ?»« Chut, laissez-moi faire, » répondit le maître. « J'ai mes raisons. Et surtout, ne prononcez pas mon nom. Vous saurez dans un moment de quoi il s'agit. » Partout, sur le pont, dans les couloirs, sur les marches des escaliers, se tenaient des groupes de passagers fort surexcités qui discutaient avec animation de cet événement extraordinaire. Pinkerton, qui n'avait pas encore quitté le commandant, aperçut tout à coup dans un coin un groupe de dames parmi lesquelles se trouvait Miss Madeleine Marais. Par-dessus sa toilette de nuit, elle avait jeté un simple peignoir de soie dans lequel elle paraissait peut-être plus ravissante encore qu'en grande toilette. Aussitôt, Pinkerton se fit la réflexion suivante. Il est bien évident que si un voleur cherche à faire ici un bon coup, c'est sur les bijoux de cette jeune dame qu'il a dû jeter son dévolu. Ils sont si beaux et si riches qu'ils ont attiré l'attention de tout le monde sur le bateau. Or, elle a quitté sa cabine il n'y a qu'un instant, et au milieu de l'émotion générale, elle a sûrement dû oublier d'en refermer la porte. Si un voleur s'en est aperçu, il doit être chez elle en ce moment. Tout en songeant ainsi, Pinkerton avait tiré de sa poche une liste qu'on lui avait remise à son arrivée à bord, et qui contenait les noms de tous les passagers avec le numéro des cabines qu'ils occupaient. Au même instant, Madeleine Marais tressaillit visiblement. Sans doute venait-elle de se rappeler qu'elle avait oublié de fermer sa porte. Elle poussa un léger cri et l'inquiétude qu'elle éprouva en songeant au danger que couraient ses bijoux lui fit oublier sa frayeur. Elle quitta vivement le groupe de dames qui l'entouraient et s'élança dans le couloir. « Miss Marais, Miss Marais !» lui crièrent quelques-unes de ces dames. « Pour l'amour du ciel, attendez un peu !» Mais aucune n'osa la rejoindre. Toutes étaient tellement épouvantées qu'elles tremblaient comme la feuille. Pinkerton seul suivit la jeune femme. Il la vit pénétrer dans la cabine qui portait le numéro 78. Mais quand il y arriva à son tour et qu'il voulut tourner le bouton, il s'aperçut que Miss Marais avait mis le verrou à l'intérieur. Presque aussitôt, il entendit un cri étouffé et il comprit sur le champ ce qui s'était passé. Le voleur était déjà dans la cabine et Miss Marais l'avait surpris. Impossible d'enfoncer la porte qui était en chêne massif et dont les serrures étaient d'une solidité à toute épreuve. D'ailleurs, c'eût été une grave maladresse de sa part de se jeter de toutes ses forces contre cette porte pour essayer de la faire sauter, car le misérable enfermé à l'intérieur eut immédiatement compris qu'on était à sa poursuite. Le détective aperçut tout à côté de lui un escalier étroit qui conduisait directement sur le pont. Les hublots de la cabine de Madeleine Marais devaient donc se trouver juste en dessous de l'endroit où cet escalier débouchait sur le pont. En un clin d'œil, Nat Pinkerton fut en haut. Il regarda vivement autour de lui et aperçut un rouleau de cordage. Il le prit et le déroula en toute hâte. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il attacha solidement l'extrémité supérieure au bastingage, laissant l'autre retomber sur le flanc du navire. Quiconque l'eût vu eût été surpris de l'incroyable rapidité avec laquelle tout cela s'était accompli. Il enjamba alors le bastingage et, se cramponnant à la corde, il se laissa glisser le long du bordage. Il avait l'impression d'être suspendu dans le vide, car l'énorme bâtiment était aussi élevé qu'une maison de 5 étages. Il fut bientôt devant la fenêtre de la première chambre. Derrière le hublot régnait l'obscurité la plus profonde. Ce n'était donc pas là que se trouvait Miss Madeleine Marais. Mais aussitôt, une sorte de râle vint frapper l'oreille du détective. Ce bruit venait de la cabine voisine, dans laquelle on voyait de la lumière. Pinkerton imprima la corde, des oscillations dont l'amplitude devenait chaque fois plus grande. La manœuvre était horriblement dangereuse, car si le câble se fût détaché, c'était la chute inévitable et une mort horrible. En étendant le bras, il parvint à saisir le rebord de la fenêtre derrière laquelle se déroulait le drame qu'il devinait. Les circonstances le favorisèrent car, en tâtant avec les pieds, il put prendre un point d'appui sur une étroite saillie qui se trouvait environ 1 mètre au-dessous de la rangée de fenêtres et qui faisait tout le tour du navire. Il se pencha et regarda à l'intérieur. Un spectacle terrifiant s'offrit à ses yeux. Miss Madeleine Marais, dont le peignoir était en lambeaux, avait dû, en entrant dans sa cabine, se heurter au malfaiteur qui était en train de la dévaliser. Affolée, elle avait essayé de fuir, mais le voleur, un jeune homme au visage complètement rasé et qui était mis avec la plus grande élégance, avait bondi sur elle, l'avait saisie à la gorge et repoussé contre la cloison la malheureuse jeune femme qui, à moitié asphyxiée, tentait en vain de crier et d'appeler au secours. Le visage de l'infortuné était contracté par une horrible souffrance et les yeux lui sortaient littéralement de la tête. Le maître n'attendit pas davantage. Il prit son revolver dans sa poche et allongea le bras par la fenêtre restée ouverte. Il ne visa qu'une seconde et une détonation retentit. Pinkerton, voulant à tout prix empêcher la fuite du bandit, avait tiré sans hésiter. L'homme roula à terre, la jambe fracassée, en poussant un grand cri. Il va sans dire qu'il avait lâché sa victime qui resta encore un moment adossée à la cloison, les yeux hagards, puis tomba évanoui. Nat Pinkerton sauta à l'intérieur de la cabine. Il déposa d'abord la jeune femme sur le lit, puis il garrotta son agresseur, dans lequel il avait tout de suite reconnu le même steward dont les allures l'avaient frappé au cours du déjeuner de la veille. Le coup de revolver avait été entendu à bord où il augmenta encore l'émotion générale. Mais Pinkerton ouvrit la porte et vint retrouver le commandant et les agents de la sûreté qui continuaient consciencieusement à chercher la cabine de Mr. Cliffwood de Baltimore. Quand ils eurent à qui ils avaient affaire, leur surprise ne connut plus de bornes. Ils procédèrent sur le champ à l'arrestation du steward, tandis que le médecin prodiguait ses soins à Madeleine Marais et pansait la blessure que Pinkerton avait reçue à la tête. Le détective était épuisé par les efforts qu'il venait de faire et aussi par la perte de son sang. Il se rendit dans sa cabine, se coucha et dormit à point fermé jusqu'au lendemain matin où il se réveilla frais et dispos. Au point du jour, les agents et le commandant firent amener devant eux le steward, un certain George Wills. Celui-ci, pressé de questions, finit par faire des aveux complets. Une perquisition faite dans ses effets permit de retrouver tous les objets volés par lui, non seulement les bagues, le porte-monnaie et le portefeuille de Pinkerton, mais encore les bijoux de Mrs. Nesbit, de la comtesse de Ribart et de diverses autres personnes qui, au cours de traversées antérieures, avaient été les victimes de cet individu, car George Wills n'en était pas à son coup d'essai. Jamais personne ne l'avait soupçonné. Il savait en toute occasion se montrer poli, serviable et empressé, si bien que les passagers l'avaient en grande estime et ne lui ménageaient pas les pourboires. Quant à penser qu'il veut être un voleur, c'était bien la dernière idée qui fut venue à l'esprit de ses victimes. Le commandant du Celtic lui-même faisait le plus grand cas de lui et il l'avait souvent requis pour son service personnel. Et grâce à Pinkerton, sa fructueuse carrière était terminée et au lieu de la fortune espérée, elle ne devait lui rapporter que 8 années de réclusion. Quant à Bill Brewer, il fut également ramené à New York où le jury lui assura de nouveau pour 6 années une hospitalité dépourvue de faste. Le lendemain de ces événements, Pinkerton était allé le voir dans le cachot où on l'avait enfermé, mais l'escroc ne le reconnut pas. Ce ne fut que lorsque le détective lui eut dit son nom et eut ôté ses lunettes, sa perruque et sa fausse barbe, que la lumière se fit enfin dans l'esprit du misérable. Il entra dans une véritable crise de fureur dont il ne sortit que pour se traiter d'imbécile. Comment avait-il pu se laisser duper à ce point et se faire prendre aussi bêtement? Le reste de la traversée fut aussi calme que le début en avait été mouvementé, et le Celtic, enfin débarrassé par Pinkerton des personnages suspects qui s'étaient glissés au milieu des passagers, arriva sans encombre à Southampton. Ainsi s'achève une traversée mouvementée, une aventure du détective Nat Pinkerton.